J'ai une mère qui m'aime, j'ai un père qui essaye. J'ai un cœur, j'ai un frère dans le ciel. Même si la vie me joue, c'est plus triste, note-moi. C'est pas la peur qui va me faire danser. Je traîne aux heures tardives comme les fantômes. Je me demande quand est-ce que le vent tourne. Mais mon drapeau va dans un sens, c'est le même tous les jours depuis ton absence. Animal blessé, mais toujours dangereux. Les plus tristes sont les plus envieux dans ce monde. Même si on veut pas montrer nos faiblesses, y'a des choses qu'on cache pas, des amitiés qu'on gâche pas. Je boxe avec mes démons chaque nuit. Sur la plus petite des douleurs, j'appuie. Comme quand je compte tous les ronds du chapelet. Comme quand je rappe sur la symphonie de la pluie. Un trait qui fait la salope, je laisse faire. Dans le fond, est-ce qu'il va changer, j'espère. J'suis même pas conscient de ce que je vais faire comme CR7 à Manchester. J'avais des doutes, ils sont tous partis. Plus la place pour eux sur le parking. J'ai le pack de mes rêves bien plein, j'ai le pack de mes cauchemars vides. La douleur passe, mais quand joue l'orchestre, les émotions n'en font qu'à leur tête. Parfois ma vie a des couleurs ternes, pour ça que je veux tout leur baiser. M'écoute dans leur checker ou dans leur caisse. L'ancien moi je leur baisse. Le vent a tourné comme toute leur veste. Le vent a tourné comme toute leur veste. J'ai vu la mère de mon frère partir. C'était comme la mienne. Et la mienne, c'est comme la sienne. Un générique de fin, le temps s'est figé. Mais l'orchestre n'a jamais cessé. À l'enterrement, le vent a soufflé. Comme si elle voulait voir nos larmes sécher. J'rappe ma vie, j'serai jamais cliché. J'rappe ma vie, j'serai jamais cliché. En public, j'dévoile mon privé. J'revois mon parcours, j'ai jamais triché. Et ce soir, j'ai la scène pour moi. J'deviens plus fort quand la vie me foudroie. Il est grand temps que je trouve la paix, ouais. Mon gars Yacine m'a dit c'est tout rond. La douleur passe, mais quand joue l'orchestre, les émotions n'en font qu'à leur tête. Parfois ma vie a des couleurs ternes. Pour ça que j'veux tout leur baiser. M'écoute dans leur checker ou dans leur caisse. Moi je leur baisse. Le vent a tourné comme toute leur veste. Le vent a tourné comme toute leur veste.